après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Sim, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de natation dans les journaux libres. On vient de parler avec Pierre Baudon, ancien journaliste du Journal quotidien. Là, on va parler avec notre chroniqueur habituel on lui parle au mois de juillet, au mois d'août, quand c'est le temps des traversées, c'est Marc-André Leclerc. Salut Marc-André. Bonjour Danny. Marc-André, évidemment, moi je te connais comme reporter, mais avant d'être reporter, tu es un nageur. Et si on parlait de Jacques Amiotte, ça dit quoi Jacques Amiotte? Jacques Amiotte, je pense que c'est un icône, c'est un symbole, c'est un homme qui a marqué Robert Ball, qui a marqué notre région, qui a marqué un sport. Et vendredi, Danny, lorsque j'ai vu la nouvelle, vendredi dernier, que M. Amiotte était décédé, j'ai un peu resté figé devant mon écran d'ordinateur pendant quelques instants, parce que comme jeune homme de Robertval, ayant grandi avec la traversée, je côtoyais M. Amiotte à chaque année. Je pense que cette année, c'était une des rares fois où M. Amiotte n'était pas présent. On le savait malade, il passait quelques temps à l'hôpital. Et je me rappelle très jeune d'avoir rencontré M. Amiotte, d'avoir partagé avec lui, d'avoir partagé des brasses avec lui, d'avoir nagé avec lui dans les eaux du lac Saint-Jean. Et je me rappelle très bien, Danny, il y a quelques années, où je poursuivais mes études universitaires à Québec, où je m'étais rendu chez un de mes amis qui restait pas loin de chez nous. Et par hasard, là, le voisin de mon ami était Jacques Amiotte. Ah, OK. Et j'étais arrêté. M. Amiotte là, travaillait sur son terrain, j'étais arrêté chez lui et on avait pris là, une heure ou deux ensemble vraiment, tu sais, à jaser et cette première traversée en 1955, la traversée de la Manche par la suite. On était descendu dans son sous-sol, il m'avait montré tous ses anciens trophées qui dataient là des années 50, des années 60. C'est une page d'histoire hein, qui se tourne pour nous et je pense que c'est tout le sport. Et tout ce sport-là, qui est la natation dans les livres, qui est bien connu au Saint-Jacques-Saint-Jean, qui est en deuil aujourd'hui. Et je pense que tout le monde, on se rappelle tout le temps de ces grands moments et d'avoir passé, tout que ce soit des gens à traverser les anciens nageurs. Je pense qu'il était toujours très reconnaissant de l'amour que les gens du Saint-Jacques-Saint-Jean lui ont donné au cours de ces dernières années. Effectivement, donc c'était tout qu'une icône pour le lac Saint-Jean. Je parlais avec Pierre Bourdon. En 1955, il y était 7 personnes pour la première traversée. Et ces gens-là, ça demande à quelque part comment que c'était des athlètes. Il n'y avait pas l'entraînement comme tel qu'on a aujourd'hui, là. Pas du tout. Ah non, effectivement, Danny, tu fais bien de mentionner ces deux mondes. Hein. Ouais. En 1955, là, les piscines intérieures, là, c'était très, très, très rare. Là. Je pense à Québec, à l'époque, M. Amiotte me disait que je pense qu'il y avait une piscine intérieure. T'sais. Mm. Fait que l'entraînement, là, c'est pas 12 mois par année, c'est un entraînement là, qui était à partir de la Saint-Jean-Baptiste, de la fête nationale, ouais. De la fin juin jusqu'à la traversée, il n'y avait pas beaucoup de temps là pour se préparer. Fait que de comme ça d'embarquer dans 26 kilomètres, M. Amiotte, ça avait pris là un petit peu plus que 11h30 minutes d'énergie dans un lac déchaîné. Fait que ces gens-là arrivaient là avec moins outillés, moins préparés, beaucoup moins préparés que tous les athlètes qu'on voit au cours des dernières années. Fait que le sport a beaucoup évolué. Et moi, ce que j'aimais beaucoup de chez M. Amiotte, on sait des fois des gens qui ont accompli des exploits, ils peuvent un peu se avec le bomber le torse, c'était ouais, ouais. Ben, moi à l'époque, c'était tellement mieux. Mais moi, ce que j'aimais de M. Amiot, c'est qu'il reconnaissait toute cette évolution-là. Hein. Mm. Il était très au fait là, de comment le sport avait évolué au cours des années. Il était très admiratif aussi des athlètes d'aujourd'hui. Là. Il n'était pas dans une espèce de nostalgie et de dire « c'était tellement mieux à l'époque ». Il était très très respectueux des athlètes et se prenait un fin plaisir de discuter, de partager et de reconnaître cette évolution-là. Parce que certaines personnes pourront dire « Ah, M. Amiot, il aurait pu être très nostalgique » et dire « Ah, c'était tellement mieux à mon époque, on était tellement des... » Mais il était très, très humble et ça, je pense que les gens reconnaissaient ce côté-là de M. Amiot. Est-ce que, tu sais, j'aime toujours ça comparer les époques. Je vais te poser la question que j'ai posée à Pierre Bourdon. Est-ce que tu penses que, mais dans l'époque aujourd'hui, avec l'entraînement, avec tout ça, là, Pierre, est-ce que ça serait un des meilleurs nageurs de l'histoire de la traversée? C'est sûr que c'est difficile à dire. Ouais, c'est une bonne question, hein? C'est une question embêtante, ça, Danny. C'est comme comparer Wayne Gretzky à Sidney Crosby. C'est à peu près pareil. Là. Exact. Mais je pense que M. Amiot avait un bon bagage naturel, hein? T'sais, avait des bonnes qualités naturelles pour lui permettre de faire ça en 1955 avec très très peu d'entraînement, tu sais. Mais c'est aussi le sport qui a beaucoup évolué à l'époque. C'est vraiment plus un sport. La natation de l'Olympe était un sport beaucoup plus d'endurance. Mmh. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rendu quasiment un sport de vitesse hein, sur 32 km. Fait que c'est un sport qui a beaucoup évolué, mais je suis certain que M. Amiot, avec les techniques d'entraînement d'aujourd'hui, les techniques d'alimentation, et il ferait très, très belle figure dans les eaux du lac Saint-Jean, ça c'est sûr et certain, parce qu'il avait, pour accomplir ce qu'il a accompli en 1955, il avait sans aucun doute des atouts naturels, une force mentale et physique qui lui permettrait d'être très compétitif en 2018. Tu sais, Marc-André, le lac Saint-Jean, c'est très difficile. Hein? On ne sait jamais comment ce que le lac Saint-Jean va être. C'est mythique à toutes les années. Ouais. Mais c'est avec le temps, c'est avec les nageurs du temps que vous avez, on peut dire maintenant, mais tu sais, qu'il doit y avoir des stratégies qui s'est développées, vraiment faire face à un lac difficile. Mais à l'époque, en 1955, il y avait personne ne savait comment affronter le lac Saint-Jean. Là. Exact. Il y avait très peu, tu fais bien de le mentionner, Denis, il y avait très peu de gens qui avaient des embarcations, très peu de gens allaient sur l'eau, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de piscine, tu sais, comme... Et de données aussi. Et exactement. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'était un peu le néant. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Ces gens-là qui se sont lancés, et encore plus M. Amiot, parce que c'est le seul qui a complété le 23 juillet 1955. À partir de ce moment-là, ces gens-là se lançait vraiment dans l'inconnu, puis les gens avaient peur du lac à l'époque, et on le voit dans certaines archives, hein. C'est que les gens avaient peur du lac, les gens n'allaient pas vraiment sur le lac, il y avait quand même de la pêche, je pense que la pêche était là à l'époque, mais les gens avaient peur du lac, mais ça l'a permis, et avec Martin Bédard, hein, puis quand on pense à Jacques Amiot, on pense à Martin Bédard, qui a eu ce rêve un peu fou-là, de voir des hommes et des femmes traverser le lac Saint-Jean à la nage, et Jacques Amiot a répondu fidèlement, a bien répondu à l'appel. Fait que c'est une page d'histoire et la traversée est remplie d'histoire. Hein. La traversée, là, c'est un avec les athlètes qui sont passés au fur des années, avec les conditions et tout ça, les changements de distance, l'aller-retour à l'époque, à la fin des années 80. Et c'est une page d'histoire qui vient de se tourner derrière nous et je pense que on l'a senti très rapidement dans cette communauté-là, très vivante de la nage en eau libre, là, que c'était une lourde perte de voir M. Amiot là, nous quitter comme effectivement. Ça la semaine dernière. 93 ans, il fallait se l'attendre, par exemple. 93 ans, c'est un âge assez vénérable, là, donc c'est quand même très, très positif. Il était là pratiquement jusqu'à la toute fin. Il était très actif. Tu sais, il avait 93 ans, tout près de 94 ans. Mais je me rappelle là, qu'il y a quelques années, il faisait encore une saucette qui est venue à traverser et faire quelques kilomètres dans le lac Saint-Jean. Il faisait beaucoup de vélo, hein. Jusqu'à tout récemment. Il a toujours été très, très, très, très actif. Mais bon, maintenant, je pense qu'il y a 93 ans, là, je pense qu'il y avait quand même. Oh. Et nous, durant notre couverture, durant la traversée avec les gens de Planète, on avait eu la chance de lui parler. Il était en direct de son hôpital. M. Amiot voulait livrer un message aux gens de Roberval. Il avait été très touché par toutes les des marques d'appréciation qu'il avait reçues des gens de la traversée, okay, de la population robert-valoise depuis qu'il était hospitalisé. Et à partir de ce moment-là, les gens étaient très, très, très contents de le voir, là, d'entendre sa voix, là, durant la traversée. Et on sentait dans sa voix, Danny, qu'il était très, okay, malheureusement, qu'il était moins en forme qu'à l'époque. Effectivement. Juste pour une information, les drapeaux de l'hôtel de ville de Robert-Val sont en berne actuellement. Donc, c'est quotité de mise. C'est un hommage, évidemment, un hommage qu'il fallait faire. Donc, c'est tout à fait légitime. Oui, un très bon coup. Puis, juste une petite chose, Annie. Ouais. Je veux dire, en 1955, là, qu'est-ce qui serait arrivé si M. Amiot n'avait pas complété, là? Peut-être que ça aurait été la fin de la traversée. Peut-être qu'il n'y aura pas... On aurait dit on n'est pas capable et on sait très bien pour que la traversée et partout mis la région Robert-Val sur la map, comme on pourrait dire, si je peux prendre l'expression, et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de deuxième, troisième, quatrième et une 60e et une 65e édition l'an prochain. Fait que c'est important cette journée-là. T'sais, moi, comme ancien nageur, présentement, moi, je fais ma vie là du côté de la région de la capitale nationale à Ottawa. Puis à toutes les gens que je rencontre, ils savent c'est quoi la traversée, ils savent c'est où Robert-Val, en grande partie grâce à la traversée. Fait que c'est un moment charnière, le 23 juillet 1955, pour l'histoire de Robert-Val, mais l'histoire de la région aussi également. Est-ce que, Marc-André, est-ce que les sept avaient complété en 1955? Il y avait un Jean Camiotte qui avait complété. Seulement M. Amiot avait complété. Tous les autres avaient abandonné. Ouais, de là l'importance de voir M. Amiot rallier les deux rives à ce moment-là, parce que ça aurait pu, comme je disais, changer l'histoire de Robert-Val. Effectivement. Et de voir la ville de Robert-Val mettre les drapeaux en berne, je pense que... C'est de mise. C'est de mise dans les circonstances. Marc-André, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on se rappelle s'il y a de l'information. Tout à fait. Merci, Danny. Marc-André Leclerc.